Stephen King aime les tampons, Stephen King aime les robes rouges mais roses, Stephen King aime les problèmes dentaires, celle-là elle est cadeau, Stephen King a écrit Carrie et Kimberly Pierce l'a adapté. Bonjour et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock, je suis avec Chris, ça va? Oui, ça va. Tu remarqueras que j'ai placé ta blague en intro, comme ça elle est faite. Oui, bah du coup je peux pas la faire, merci beaucoup. Bon, tu la referas quand même, je te fais confiance. Je vais essayer de me retenir, d'accord? Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière adaptation en date de Carrie, celle réalisée en 2013 par Kimberly Pierce. Il ne s'agit pas d'une suite à quoi que ce soit, c'est une nouvelle version. Et je propose qu'on y aille tout de suite. Le livre, on l'a déjà évoqué, donc, dans notre troisième épisode, pour rappel, consacré au Carrie de Brian De Palma, toujours en tête de notre classement actuellement, d'ailleurs. Exactement. On y va ? On y va. Concentre très fort, je fais bouger les objets. Il y a d'autres gens qui peuvent faire les mêmes choses que moi. Tu sais, le diable ne meurt jamais. Il revient toujours. Et il faut le tuer à nouveau. Non ! Le bal, c'est la semaine prochaine. Si t'as personne, viens avec moi si tu veux. Maman, un garçon m'a invité au bal. Ils vont se moquer de toi. Ils vont tous se moquer de toi. Moi, je t'en prie. Vous deux, je vous préviens. Si jamais vous m'y jetez un sale coup contre cette pauvre petite... Le roi et la reine sont... L'idée d'un remake de Carrie, elle est annoncée en mai 2013 par la MGM et Screen Gems. En apprenant ça, Stephen King n'est pas hyper chaud. Il voit pas tellement l'intérêt d'un remake de Carrie étant donné qu'il trouve la version de Palma vraiment très très bonne. Mais il dit que bon bah, quitte à ce que ça se fasse, voilà, et lui il imaginait Lindsay Lohan dans le rôle de Carrie. D'accord. Qui avait ouais, un peu plus de la vingtaine à l'époque. Ouais, pourquoi pas. Voilà. La réalisatrice choisie, qui est assez vite annoncée, c'est Kimberly Pierce. Donc c'est une réalisatrice qui a fait un début de carrière sur des films plutôt très engagés. Son premier film, son premier long, il s'appelle Boys Don't Cry, c'est en 1999, c'est un drame avec Hilary Swank et Chloé Sevigny, et c'est le biopic de Brandon Tina, un homme transgenre qui a été victime d'un crime très brutal, transphobe, et donc c'est le biopic de cet homme-là. Par la suite, elle a réalisé Stop Loss en 2008 avec Ryan Phillippe, c'est son deuxième film, il y a plus de 10 ans qui sont passés entre ces deux premiers, avec Ryan Phillippe, Abby Cornish et Channing Tatum, sur un soldat revenu d'Irak qui découvre que l'armée a prolongé son contrat sans lui demander son avis, et donc qui traite un peu de la manière dont sont traités les soldats traumatisés, ce genre de choses. Donc une carrière plutôt engagée. Et même en dehors de ses films, elle milite pas mal pour l'inclusion des femmes, des communautés trans et des personnes racisées dans le cinéma hollywoodien. Ça a l'air d'être des combats vraiment importants pour elle, pour le coup. Carrie, c'est le premier, c'est son troisième film, et c'est le premier qu'elle ne scénarise pas elle-même. Et depuis, elle n'a réalisé que des épisodes sur des séries télé, en fait. Elle n'arrive pas à monter ses projets, j'ai l'impression. Après, elle est sur des séries télé comme Dear White People, donc elle garde le côté un peu engagé. Oui. Mais pas que, et voilà, elle a l'air, hélas, un peu en retrait. Après, cela dit, Dear White People, une série qui a plutôt bien marché et qui a pas mal fait parler d'elle. Donc, oui, c'est pas faux, mais tu retiens pas trop les réalisateurs et réalisatrices de Dear White People. Non, c'est sûr. Donc, le scénariste de Carrie, c'est Roberto Aguirre Sacasa, un scénariste, producteur et créateur de séries. Il a créé des séries comme Pretty Little Liars, Original Sin, c'est une suite apparemment, Riverdale, Katy Keene et Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Donc, pas mal de trucs. Et il est aussi actif dans le théâtre. Il a fait une comédie musicale Spider-Man, apparemment. Oui. Et dans le comics. Et du coup, sa partie comics, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bah, il a bossé chez Marvel à partir de 2004, si je ne me trompe pas. Il a relancé une série 4 Fantastiques sous le label Marvel Knight. Alors, Marvel Knight, Knight comme chevalier, hein, pas comme nuit. Non, oui, j'aurais dit comme nuit, justement. Ouais. Ça peut être, quand on est français, on prononce mal le K. Marvel Knights, qu'est-ce que c'est ? C'est un label en fait créé par Quesada et Jimmy Palmiotti, qui à l'époque n'était pas chez Marvel. Et justement, ils ont été embauchés par Marvel pour en fait créer ce label afin de relancer des séries sur des personnages secondaires. Alors, quand je dis secondaire, aujourd'hui ça va peut-être te paraître étrange, mais c'était pour relancer par exemple une série autour de Daredevil, Punisher, parce que oui, à l'époque c'est des personnages secondaires. Et les 4 Fantastiques aussi, je crois qu'ils avaient toujours été plus populaires. Alors justement, les 4 Fantastiques, ça vient après. À la base, d'accord, le label était là pour relancer, Daredevil, Punisher, La Veuve Noire, vraiment des seconds couteaux, parce que même encore aujourd'hui, ça reste quand même, quoi qu'on en pense, des personnages secondaires de l'univers Marvel, parce que l'univers Marvel a un univers avec des personnages secondaires très imposants, comparé à l'univers DC qui, eux, ont une énorme classe A. Marvel, ils ont une classe B énorme et une toute petite classe A, c'est rigolo. Donc voilà, ils sont arrivés, ils ont créé ce label-là. C'est un label qui est né au tout début des années 2000. Donc c'est vraiment après, puisque c'est en 2004 que la série des 4 Fantastiques, label Marvel Knights, arrive enfin. Donc bien après, en fait, c'est juste Marvel qui s'est dit « Ah tiens, bah, le label Marvel Knights, ça marche. Allez, maintenant, on débloque, on fout tout ce qu'on veut là-dedans, et puis c'est parti. » Comme d'accord, souvent, chez Marvel, quand une pourquoi idée pas fonctionne, il la ponce jusqu'à l'os. Mais la série aura quand même un bon succès, ce qui durera une trentaine de numéros. Puis bah, Aguirre, c'est qu'à ça. Il restera après chez Marvel, puisqu'il bossera un petit peu sur Diablo, il fera du Spider-Man, notamment. Mais pas le Amazing Spider-Man. Il fera Sensational Spider-Man en parallèle d'Amazing, qui là a été écrite par J.M. Straczynski, qu'on a déjà parlé, il me semble, d'accord, dans ce podcast. On est dans les années 2000, du coup, si c'est Straczynski. C'est ça, on est dans les années 2000. En fait, il sera beaucoup connu chez nous, en France, pour une série, un graphic novel sur le personnage d'Angel, des X-Men. Et c'est l'occasion pour moi de te faire un petit tour de magie. Hop ! Je le sors de mon sac, je te l'ai amené pour que tu puisses le lire. Bon, le graphic novel Angel, donc écrit par Aguirre Sacasa, et dessiné par Adam Paulina. C'est surtout pour cette œuvre-là, en France en tout cas, qu'il est connu chez Marvel. Ensuite, il quittera Marvel. Pas forcément pour un désaccord, j'en sais pas plus que ça, c'est juste il va voler de ses propres ailes ailleurs. Mais il restera pas loin de l'univers comics, puisqu'en 2013, bah, il ira chez Archie Comics. Archie Comics, c'est un univers qu'on connaît pas trop en France, parce que ça a été très peu publié chez nous. En fait, on le connaît surtout maintenant, grâce à l'univers Riverdale, qui a été adapté en série télé. C'est pas même lui qui a fondé Archie Comics ? Non. C'était là, non ? Ah non, non. Archie Comics, c'est très très vieux. D'accord. Mais c'est lui qui est derrière la franchise Archie Horror, qui est une revisite de l'univers Archie Comics version horreur. Après avoir écrit la mini-série Afterlife with Archie. Et surtout, c'est lui qui est le scénariste, tu en as parlé à l'instant, du comics Sabrina l'apprentie sorcière, et c'est lui également du coup qui scénarise la série pour Netflix, enfin qui scénarisait la série pour Netflix, qu'il me semble que maintenant la série est terminée. Et c'était bien le comics ou la série ? Bah écoute, le comics, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti en France, c'était sympathique. La série, pareil, j'ai regardé que les deux premières saisons par manque de temps, j'ai trouvé ça pas horrible, c'était sympa. Voilà, Après, maintenant, son travail chez Archie Comics, parce qu'il y a encore, il travaille encore chez Archie Comics, parce que c'est lui qui supervise le renouveau d'Archie Comics, parce que tout leur univers, avec le succès de la série Riverdale sur la CW, a donné envie à Archie, en fait, de relancer, vraiment, de faire un gros reboot de son univers, et c'est Sekasa qui supervise tout ça. Malheureusement, l'univers Archie en France, en termes de publication, Glénat a essayé, ça s'est totalement viandé. Donc, je sais pas si un jour on aura le droit à tout ça vraiment chez nous. Mais Glénat a essayé avant ou après la série ? Avant, en même temps. D'accord. En même temps. Donc, ils ont essayé de surfer sur le succès de la série et ça a pas pris, c'est ça ? Voilà. Ouais. Alors que pourtant, la série Riverdale, s'il y a bien un succès en termes de série télé dernière ambiance, c'est bien celle-là. Et toi, t'aimes bien les comics, ça ? Alors, bah, Archie, le problème, c'est que bah, je connais très peu. Donc, ouais. J'ai lu ce qui a été publié en France, ou alors ce qui a été publié en France de manière. Un petit peu à côté, parce qu'il y a eu des spin-offs un peu rigolos qui ont été publiés chez nous, genre il y a eu Archie versus Predator. Donc, il y a ça... tout eu versus Predator. Et la mini-série Archie versus Predator est sympa, elle est rigolote, mais du coup, vu que c'est du spin-off horrifique comédie, bah c'est pas vraiment l'univers d'Archie. Donc c'est compliqué quand même de se prononcer. Sérieusement, pourquoi on fait pas ça avec une licence française, quoi, du Astérix versus Predator? Ça donne envie quand même. Mais voilà. Du coup, pour en revenir au Angel, je feuilletais visuellement, ça a l'air vraiment cool. Ah, c'est très joli. Je connais Adam Paulina, le ouais, nom dit quelque Adam chose. Ouais, Adam Paulina, c'est très très joli. Mais ouais, c'est très beau. Mais donc voilà, il a eu une carrière en termes de comics, alors maintenant, du coup, sa carrière n'est pas encore finie, vu qu'il est chez Archie Comics. S'il faut, il est même peut-être encore en tout début de sa carrière comics. Parce que son passage chez Marvel a été assez expéditif, oui. Au final. Après, tout début, c'est quand même beaucoup dire, ça fait quand même 20 ans qu'il est actif. Oui, mais pas dans l'univers comics. Oui. Voilà. Oui. Et sa comédie musicale Spider-Man, tu la connais ? Non, par contre, pas du tout. Ouais. Faudrait que j'écoute ça. On va voir si c'est bien. Mais bon, merci de ce petit point. Ben de rien, je suis là pour ça. Ça fera 10$ la minute. C'était ça, je pense. On verra ça. Et donc, bah, voilà, c'est lui qui a scénarisé le premier, en tout cas, ce Carrie 2013, parce que après, on en reparlera un tout petit peu par la suite, il y aura des reshoots, et donc un deuxième scénariste arrivera, qui est Lawrence D. Cohen, scénariste de l'original. D'accord. Du Carrie de Palma, je veux dire. Le rôle principal est confirmé en mars 2012, et c'est Chloé Grace Moretz, une actrice... fait assez rare qu'il était plus jeune que le rôle, parce qu'elle avait 15 ans à l'époque, alors que Carrie, c'est censé être l'année de son bal de promo, donc elle est censée avoir 17-18 ans. Oui. Mais elle était déjà active depuis un bon moment, hein. C'est clairement une enfant actrice, parce qu'elle commence en 2005 sa carrière, dans Amityville. On la verra aussi dans des films comme The Eye ou 500 jours ensemble, avant le film qui la mettra vraiment sur le devant de la scène, qui est Kick-Ass, de Matthew Vaughn, dans lequel elle joue Hit Girl. Ouais. C'est son premier rôle. Bah déjà, c'est un rôle assez important, et puis le film a du succès, le rôle est quand même assez emblématique. Oui. Donc, clairement, c'est ce qui l'a fait remarquer. Depuis, elle a joué dans pas mal de films, en fait. Elle a tourné avec des grands réals. Bon, elle a tourné avec Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, mais c'était dans Laisse-moi entrer, qui est un film qui sert un peu à rien. Même s'il est pas nul, c'est le remake de Morse. Ouais. Elle a joué dans Hugo Cabret pour Scorsese, dans Dark Shadows de Tim Burton, dans Sils Maria de Olivier Assayas. La cinquième vague, bon, le réalisateur, c'est Blackson, il n'est pas très connu, mais c'est un film à gros budget, on va dire. Que je n'ai pas vu, personnellement. Non, moi non plus. Elle a un petit rôle dans Suspiria de Luca Guadagnino. Mm-hmm. Donc voilà, elle fait quand même une carrière déjà très active, elle joue beaucoup. Et elle a régulièrement des rôles dans des productions plutôt de qualité. Plutôt de qualité et de plutôt haut niveau. Apparemment, son travail avec Kimberly Pierce, ça a consisté à savoir un peu comment se comporter des femmes ou des adolescentes victimes de violences psychologiques, victimes de harcèlement et compagnie. Donc elle s'est pas mal renseignée auprès de ça, avec Kimberly Pierce, qui encore une fois est pas mal engagée dans tous ces trucs-là. Et en réfléchissant au pouvoir, elles ont décidé, on y reviendra dans nos avis, je pense, de donner un côté un peu reptilien au mouvement de Carrie quand elle utilise vraiment ses pouvoirs. d'où l'aspect un peu chorégraphique qu'il peut y avoir à sa gestuelle. La mère est jouée par Julianne Moore, qu'on avait évoqué rapidement à propos de Darkseid, son premier rôle au cinéma, mais on n'était pas entré dans les détails à l'époque parce qu'elle était dans un segment qui ne nous concernait pas plus que ça. Oui, voilà. C'est une actrice qui émerge doucement au long des années 90, parce qu'elle a des rôles secondaires, dans un premier temps, dans des films comme Shortcuts de Robert Altman et Safe de Tom Hines. Elle aura deux rôles importants chez P.T. Anderson, dans Boogie Nights et Magnolia, qui sont deux excellents films. Elle est dans The Big Lebowski des frères Coen, Hannibal de Ridley Scott, où elle joue le rôle de Clarence Starling, elle reprend le rôle de Jodie Foster. The Hours de Steven Dahlrick, un excellent film. Les Fils de l'Homme de Cuaron ou Maps to the Stars de Cronenberg récemment. C'est une carrière qui est très tournée vers le cinéma d'auteur, globalement. Ouais. On va trouver quelques blockbusters, par exemple, elle est dans la saga Hunger Games, mais elle a quand même tendance à être assez orientée vers un cinéma exigeant, et avec plein de réalisateurs et de films que j'aime bien dans le tas, donc c'est une actrice déjà que je trouve très bonne et dont j'aime souvent les choix. Je sais pas ce qu'il y en est pour toi. Si, si, c'est une excellente actrice, Julianne Moore. Et c'est peut-être l'un des très bons points de cette nouvelle adaptation de Carrie. Oui, clairement. Et on la reverra, nous, parce que c'est elle qui joue Lisée, dans Histoire de Lisée, la série. Oui. Et c'est le point principal qui me rend curieux de voir cette série, d'ailleurs. Ouais, Julianne Moore. Ouais. La professeure de gym, Miss Desjardins, elle est jouée par Judy Greer, actrice de second rôle assez active. Elle a un rôle de motion capture dans les deux derniers Planètes des Singes. Ben, on retrouve Matt Reeves, d'ailleurs. Oui. Le rôle de Karen Strode dans les deux premiers Halloween récents, donc la fille de Laurie. D'accord. Pas la petite... Oui, ben, pas la petite fille, évidemment. Enfin, c'est... En général, une petite fille ne peut pas être la fille. Non, mais du coup, je me dis, pour une question d'âge, c'est évident, j'aurais pas dû le préciser, mais voilà. Elle a un rôle dans les Ant-Man, apparemment, mais ah bon, je ne me rappelle plus du tout. En même temps, j'ai vu que le premier, je l'ai un peu oublié. Oui, pareil. Voilà. C'est un film qui ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et elle est dans un épisode de Dr. House, comme plein d'acteurs et actrices. Voilà. L'épisode « Un chat est un chat », saison 5. D'accord. Et il est bien ? Dans mon souvenir, oui. D'accord. Mais je me souviens plus de l'histoire à côté que du cas de la patiente, vraiment. Est-ce que là, elle joue la patiente, du coup ? Ouais. C'est un épisode qui joue sur cette vieille légende urbaine, tu sais, du chat... qui va se coucher sur les gens et qui ah, oui. prévoit leur mort. Oui. Il tourne autour de ça, l'épisode. C'est préquel à Dr. Sleep, du coup. C'est ça, repris dans Dr. Sleep, en effet, exactement. Sue Snell, elle est jouée par Gabriella Wilde. Donc elle, pour le coup, on retrouve la tendance à mettre des actrices plus âgées dans les rôles. Elle a 23 ans au moment du tournage. Et bon... Bah, depuis, elle a joué régulièrement dans une série policière, je crois, ou... Non, drame, appelée Paul Dark. Mais en fait, au cinéma, elle a pas beaucoup joué. Et le seul autre film dans lequel je l'ai vu, c'est Les Trois Mousquetaires, de Paul W.S. Anderson. Qualité. Dans lequel elle joue Constance Bonacieux. D'accord. Voilà. On a la peau. Je vous conseille presque ce film, il est quand même très drôle. Ouais. Chris, elle est jouée par Portia Doubleday. Elle a un rôle, un des rôles principaux dans Mr. Robot. Elle a pas fait grand-chose d'autre, mais c'est quand même un truc important. Ok. Même si je crois que la série est terminée maintenant. Tommy, il est joué par Ansel Elgort, un des rôles principaux de films comme Divergente, Nos Étoiles Contraires, Billionaire's Boys Club, le West Side Story de Spielberg, et bah surtout Baby Driver pour moi. Ouais. C'est lui qui joue Baby Driver. C'est un acteur que j'aime bien et j'espère qu'il se sortira un petit peu de cette étiquette teen movie qui s'est collé un petit peu. Alors je crois que le souci c'est qu'il est pas mal cancel. Hein. Il y a eu des trucs lui ah quand oui Me Too. Ah merde, j'étais pas au courant. Je sais plus, faudrait que je revérifie. Je sais plus où ça en est, mais lui il y a eu des trucs très clairement. D'accord. Non, du coup, je retire ce que j'ai dit, c'est un connard. Bah oui, si, voilà, c'était un bon acteur, mais il s'avère que ça semble être un gros connard, ouais. Donc, voilà. Le tournage principal commence le 27 juin 2012 et dure jusqu'à août. La différence la plus notable par rapport au livre et à la version de Palma qui est présente dès ce premier tournage, c'est l'ajout du côté harcèlement en ligne, parce que tout le début... quand Carrie a ses règles et qu'on lui jette les tampons, il est filmé par Chris qui ensuite va mettre la vidéo sur internet. Et là, je trouve que ce n'est pas particulièrement creusé, alors que ça aurait pu donner un tour moderne très intéressant. La modernisation du roman est très absente au final. On y reviendra, ouais. C'est rigolo parce que le fait de filmer était quand même déjà présent dans Carrie 2, qu'on a vu il y a un mois. Mais à l'époque, si c'était 99, c'était tout début d'Internet, donc ils ne pouvaient pas vraiment anticiper le harcèlement en ligne, les vidéos sur YouTube et compagnie. Mais il y avait déjà cette idée-là quand même. En interview pour Collider durant le tournage, Kimberly Pierce avait dit avoir voulu développer Chris et Margaret White afin de plus montrer l'histoire de leur point de vue et leur justification. Et c'est pour ça notamment qu'il y a un choix fait dans le scénario, dans la toute première scène, que ce soit Sue la première en fait à repousser Carrie quand elle a ses règles, pour que Chris au début n'ait qu'un rôle de suiveuse. Après, j'ai trouvé ça assez mal géré dans le cas de Chris. Je trouve que ça reste une méchante assez basique, comme dans le livre et comme dans le film de De Palma. C'est un peu mieux fait pour Margaret, la mère de Carrie, qui pour le coup, effectivement, elle a un côté un peu plus mère aimante par moment. Elle est mieux écrite et elle est très bien jouée, ce qui fait que c'est un personnage qui fait vraiment pervers narcissique, en fait. Elle souffle le chaud et le froid tout le long du film. Oui. Et ça, c'est très intéressant comme vision de Margaret, je trouve. Le film développe plus aussi la découverte des pouvoirs par Carrie que ne le faisait la version de Palma. Il y a des scènes où vraiment elle s'entraîne à les maîtriser. Par contre, Kimberly Pierce elle a dit avoir voulu faire autre chose, mais elle a jamais craché sur le film de Palma. Apparemment, justement, ils sont très potes, De Palma et elle. Et elle est très admirative de son travail. D'accord. Voilà. J'ai une petite citation d'elle sur l'emploi des effets numériques parce que je trouve sa position intéressante. On essaie de faire le plus de choses possible sur le plateau parce que les effets pratiques sont beaux visuellement. Mais à un moment, il faut voir la vérité en face. Et quelqu'un vous dit, ici, tu peux utiliser une vraie gerbe de sang, passer 3 heures à nettoyer et perdre le temps de 5 plans. Ou on peut rajouter le sang en post-prod et profiter de ces 5 plans en plus. Ce n'est pas par mépris des effets pratiques, mais il faut bien raconter l'histoire. Voilà, je trouve cette position assez intéressante. Oui, c'est vrai que c'est pas un rejet. Et c'est une position plutôt compréhensible. Surtout quand t'as vraiment un planning assez rude à respecter. Ouais, voilà, c'est ça. Des fois, le cinéma... Surtout quand c'est des grosses productions. Je sais pas ce que tu veux. Surtout quand c'est des grosses productions où des fois, la date de sortie est annoncée avant même le début de la production. Donc, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Parce qu'il s'est développé assez vite, avec Chloé Moretz annoncé en 2012, et le film qui sort un an plus tard, c'est allé vite, même, tout ça. S'il faut, je pense même que ça a été le cas pour ce carré-là. Ils ont lancé la prod, ils ont dit à la réalisatrice, écoute, faut que ça sorte pour tel jour. Ah oui, c'est ça. Alors voilà. On va voir, la date de tournage a été décalée pour d'autres raisons, mais à la base c'était ça. Oui, c'est le cas de beaucoup de films, malheureusement du coup. Oui. Parce que c'est quand même plus préjudiciable qu'autre chose. Ça met la pression, clairement. Le directeur photo, c'est Steve Yedlin, qui, en dehors de ça, en fait, il est surtout le directeur photo, j'ai l'impression, attitré de Rian Johnson, je crois qu'il est sur tous ses films. En tout cas, il est sur Looper, Star Wars 8, 8, à couteau tiré, et Glass Onion, qui va venir. Il fait du... Déjà sur Carrie, la photo est pas dégueulasse. Ouais, je la trouve quand même pas ouf. Elle est propre. Mais après... On en reviendra, c'est un petit peu le souci du film. Mais elle manque trop propre. Vraiment d'ambiance. Il n'y a pas de travail de lumière plus poussé que ça. C'est un peu terne niveau couleur, je trouve. C'est pas le même travail qu'il fait avec Rian Johnson, quoi. Ouais, c'est ça. Tandis que, notamment à couteau tiré, il a une photographie extrêmement travaillée, pour le coup, qui est vraiment magnifique. Donc là, c'est propre, mais j'irai pas au-delà, tu vois. Oui. Au départ, le film était programmé pour mai 2013, mais il va y avoir des reshoots qui vont le décaler à octobre. Chloé Moretz, à l'époque, dit que les reshoots ont servi à approfondir un peu les relations entre les personnages et à rajouter un aspect horrifique, mais il semble que ce soit plus quelque chose promo qu'autre chose, parce que d'autres retours disent qu'au contraire, les reshoots ont atténué la violence du film. Et j'ai pu trouver une version du scénario original, à l'époque où vraiment il n'y avait que Roberto Aguirre Sacasa qui avait travaillé dessus, ou Lawrence Cohen n'était pas encore passé. Et il y a des différences assez notables, d'accord, effectivement. Pour citer les principales, bon, il y avait la présence de la scène d'intro, tu sais, avec la pluie de pierre, avec Carrie enfant qui interroge sa voisine sur ses seins. Oui, qui du coup intervient plutôt sur la fin du film, la pluie de pierre. Ouais, après là, il n'y a pas du tout la scène de Carrie enfant. Non, mais il y a une pluie de pierre à la fin. Ah oui, oui, oui. Mais oui, effectivement. Mais là, je pense qu'il y avait aussi la finale dans la maison. Mais... Oui, d'accord. Ouais. Il y avait une reprise de l'idée du livre d'avoir des inserts sur une commission d'enquête, ce qui était aussi présent dans le téléfilm d'ailleurs, qui rythmait tout le film avec Sue Snell qui envoyait des extraits d'un journal en ligne qu'elle tenait par vidéo, de vlog qu'elle faisait. Il y avait des interrogatoires de spécialistes de la télékinésie, etc. pour donner une dimension, comme dans le livre en fait, au film. Ouais, une écriture un petit peu épistolaire, quoi. Ouais, c'est ça. Le but, c'était de changer la structure pour pas reprendre celle de Palma. C'est spoil un petit peu mon avis sur le film, mais c'est typiquement ce qu'ils auraient dû faire, au final. Ouais. Sue, elle était plus en retrait dans la scène d'intro où Carrie a ses règles, donc ça, effectivement, il semble que ce soit bien un rajout de Kimberly Pierce, une intention de sa part. Les moments maternels envers Carrie par Margaret ne sont pas présents dans le script original, donc effectivement, le personnage de Margaret a été affiné, on va dire. Chris et Billy sont plus présents et beaucoup plus menaçants. Notamment Chris, il y a plusieurs scènes où elle menace Sue très clairement de lui faire subir la même chose qu'à Carrie, quoi, si elle la fait chier. Il y a plus de scènes de rapprochement entre Carrie et Sue, parce que ça, clairement, je trouve que ça manque dans cette version au final. À part lui envoyer Tommy Ross, Sue ne parle quasiment pas à Carrie, je crois, dans ce film-là. Ce qui est dommage. Bah, ça en fait une menace très distante, quoi. Non, Sue, c'est la gentille. Ah oui, merde. Ouais. Mais du coup... Il y avait l'idée d'une amitié qui aurait pu se créer, qui n'est pas vraiment présente et qui rend la dernière scène moins forte dans ce Carrie-là. Et Miss Desjardins aussi était un peu plus présente dans le script originel, notamment il y avait cette fameuse scène où elle essaie de rassurer Carrie pendant le bal de promo, qui est une belle scène pourtant, je trouve, et qui a été supprimée. Alors que pourtant elle est quand même bien présente quand même dans le film final. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est dommage. Et à la base, Sue n'était pas là quand Carrie se prenait la pluie de sang. Pendant le massacre, Sue ne devait pas être là à regarder. Il existait aussi une fin alternative dans laquelle, qui a été tournée pour le coup, on la trouve sur les éditions collector du DVD, moi je l'ai retrouvée sur internet, dans laquelle Sue, lors de son accouchement, parce que Sue est enceinte à la fin du film, voit sortir de son ventre la main ensanglantée de Carrie et on découvre que c'est un cauchemar et il y a sa mère qui essaie de la rassurer pendant qu'elle hurle de terreur. Et ça a pas été gardé parce que c'est exactement la fin du film de De Palma en fait. Et même quand tu regardes la version alternative, le plan final c'est carrément le même, c'est un espèce de plan zénithal sur la chambre de Sue, donc il y a un faut pas abuser quoi, ça se voit. Ah, elle sort pas de même endroit la main, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais alors, du coup, il y a quand même une référence dans la fin qu'on a, on verra, parce qu'il y a la tombe qui a la même tête, et la fin est complètement débile, mais bon, on y reviendra. La tombe qui se craquait, on sait pas pourquoi. Bah, c'est un des trucs qui montre qu'ils ont du mal à se défaire quand même de l'influence de Palma. La musique est de Marco Beltrami, et j'ai fait un petit sondage auprès de toi et auprès d'autres amis sur Beltrami, et c'est un compositeur. Son nom, il est connu, globalement, mais par contre, pas grand monde ne sait vraiment ce qu'il a fait. Voilà, c'est un compositeur un peu... Ah, qu'est-ce qu'ils t'ont répondu, les autres ? Un peu sous le radar. Alors, il y a deux personnes, dont toi, qui m'avais mentionné la saga Scream. Ouais. Il y a des personnes qui m'ont mentionné les films de James Mangold. Oui. Notamment les Logan et 3h10 pour Yuma. Et c'est aussi lui qui a fait, je crois, Le Mans. Oui, Le Mans 66, c'est lui aussi. Toi, tu m'as mentionné The Faculty. Oui. Il y a quelqu'un, je m'y attendais pas du tout, mais qui m'a mentionné les Mérines. Effectivement, c'est lui qui a fait la musique des Mérines. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est un compositeur très très actif, alors qu'il travaille régulièrement en duo avec un autre compositeur, ce qui lui permet d'avoir une bonne productivité. Mais il est sur des trucs un peu importants. Il est déjà sur d'autres Wes Craven. Il est sur Cust, Red Eye et My Soul to Take. Il est sur plusieurs films d'Alex Proyas, iRobot, Prédiction et Gods of Egypt. C'est pas des films que tu retiens. Bon, iRobot, ça va. Dans Gods of Egypt. Ouais, dans Gods of Egypt, non. Mais même Prédiction, moi, je trouve ça sympa. Prédiction, c'est lequel déjà? Avec Nicolas Cage. Oui, celui-là est sympathique, je trouve. Bah, je crois où il retrouve une liste de chiffres. Ouais, mais c'était pas moi qui l'avais vendu, celui-là. Je crois, si. On était dans un cache et tiens, regarde, c'est pas si mauvais que tout le monde le dit. C'est lui aussi qui a fait la musique. Bon, bah, c'est encore des mauvais films, mais des deux derniers Die Hard. Oui, effectivement. Mais c'est des films importants. World War Z, le remake de The Thing. En duo avec Philip Glass, Les 4 Fantastiques de Josh Trank. Bon, ouais. Là, je suis plutôt sur des mauvais films. On va revenir à des trucs un peu mieux. Parce qu'il est aussi sur Mimic, Blade 2 et Hellboy de Del Toro. Il bosse pour un peu tout le monde. Ouais, Le Transpersonnage. The Homesman et 3 Enterrements de Tommy Lee Jones, qui eux sont des vraiment bons films. Ouais. Et plus récemment, on peut citer la trilogie Fear Street pour Netflix. Que j'ai pas encore vu, mais je m'avais dit que c'était sympa, voilà, sans être extraordinaire. C'est ça. Je pense qu'on le retient pas parce qu'il a des thèmes souvent discrets, il y a pas mal de travail d'ambiance, donc c'est compliqué de mémoriser une bande originale de Beltrami, et pourtant il a fait pas mal de travaux de qualité, vraiment. Est-ce que ça serait pas aussi parce que il fait les BO de films dont on retient les films, mais pas pour leur BO, pour d'autres choses? Aussi, peut-être. Mais Hellboy, on aurait pu le retenir pour sa BO, mais elle est assez discrète, en fait. Les thèmes sont compliqués dedans. Et j'ai un ami qui considère qu'on le retient pas, peut-être parce qu'on dirait un nom de cover band bizarre de Muse, Marco Beltrami qui remplace Matt Bellamy. Voilà. C'est peut-être une théorie. Bon, sur Carrie, il travaille avec en musique additionnelle Buck Sanders, Marcus Trump, Donny Smith, John Nick Bantams et Michael Sobey. Il fait un travail sympathique qui est pas son meilleur, clairement, mais qui est dans la tradition de ce qu'il a l'habitude de faire, donc il y a un thème assez discret mais qui est plutôt cool. Quand ça va vers des pistes plus action, je trouve ça bien. Pour ceux qui aiment le style du compositeur, je pense que la BO de Carrie n'a pas de raison de déplaire, mais c'est pas le travail que je conseillerais de lui en priorité. Le film, au final, va sortir en France le 4 décembre 2013. Sur le sol américain, il rapporte 35 millions de dollars, et 50 à peu près à l'international, dont 234 500 entrées en France. Pour un budget de 30 millions de dollars, donc il rentre largement dans ses frais, il fait même du bénéfice. La réception critique aux États-Unis est mitigée. Il y en a quelques-uns qui vont parler d'un film efficace et plaisant à voir sans être non plus totalement enjoué. Et dans l'ensemble, il y a quelques exceptions, mais dans l'ensemble, il souffre quand même de la comparaison avec le film de De Palma. Tout le monde dit qu'il n'est pas à la hauteur de la première version. C'est sûr. On critique un film trop sage. En France, la critique professionnelle est très dure. Auprès de la critique professionnelle, il a 1,5 étoiles sur Allociné. Ah oui. Et c'est parce que les critiques professionnelles ne peuvent pas descendre en dessous d'une étoile. Ah oui. Qu'il est quasiment au plus bas qu'il puisse être. Par contre, le public est plus tolérant en France, puisqu'il est actuellement 2,6 étoiles auprès du public sur Allociné, ce qui le place 30e à égalité avec le remake de Cimetière, Le Cobaye, Peur Bleue et La Cadillac de Dolan. Et 50% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, donc 19e à égalité avec Le Cimetière, mais de Marie Lambert, Détour Mortel, donc adapté de Grand Chauffeur, et Les Langoliers. Est-ce que ça va mieux maintenant? Si. Tu veux un jus de fruits peut-être? Ou bien un cachet d'aspirine, je sais pas. Vous êtes sérieux là, Henri? Tu préfères peut-être qu'on te laisse tranquille? Carrie, ma chérie, je suis vraiment... désolée de t'avoir giflé tout à l'heure. Ma réaction était stupide. Quand on est une jeune fille, avoir ses règles, c'est tout à fait normal, tu sais. En fait, ça arrive même un peu plus tôt, généralement. Tu ne les avais encore jamais eues ? Trésor, est-ce que tu sais ce qui se produit dans ton corps ? Tu comprends ce qui se passe ? Quoi ? Non, j'en sais rien. J'ai senti quelque chose bouger là en bas. Oui, peut-être que ce serait bien que tu discutes de ça, je sais pas moi, avec une infirmière ou une psychologue scolaire. Pour ma part, j'ai besoin de savoir qui a commencé à lancer ces choses. C'était Chris Argenson et la bande habituelle. Cassie. Carrie. Carrie. Est-ce que c'est Chris Argenson qui a commencé? Ne te sens pas obligée de les couvrir. Ce qu'elles ont fait est impardonnable. Bon, écoutez, visiblement, Carrie ne dénoncera personne, alors ce sera par conséquent à vous, Mademoiselle Desjardins, que je demanderai de tirer cette histoire au clair. Ces filles méritent une punition exemplaire. Très bien. Carrie, tu seras dispensée de gym cette semaine. Tu n'auras qu'à aller au CDI à la place, d'accord? Oui, et on va devoir appeler ta mère. Quoi? Oui, ta mère, il faut qu'on l'appelle. Carrie, je sais qu'elle a eu des différends avec nous par le passé, au moment où l'État ne lui a plus permis de continuer l'éducation à la maison, mais il faut qu'on la mette au courant, d'accord? Non. Ma chérie, on n'a pas le choix. On doit lui dire ce qui s'est passé. Non! King ne s'est pas vraiment exprimé sur cette version une fois qu'elle a été terminée. Et bah du coup, ça va être notre tour de le faire. Je te laisse donner ton avis. Je pense qu'on va plutôt se ranger du côté des critiques... plutôt que du côté spectateur. C'est pas un film... exécrable. C'est pas un mauvais film en soi. C'est surtout un film où, une fois que le générique de fin arrive, tu te dis oui. Bah pourquoi, en fait. C'est pas mal joué, le casting est bon, je trouve, globalement. Oui. Globalement, le casting est bon. Le problème, c'est qu'il est desservi par beaucoup de dialogues un peu insipides, et par un scénario dont tu te relèveras pas la nuit pour le lire, quoi. La réalisation est pareille, en fait, elle est pas dégueulasse, mais elle est pas extraordinaire non plus. Il y a quelques plans sympas. À un moment dans la maison, quand t'as la mère qui fait sa couture, t'as un plan... Non, c'est quand... Je sais plus si... Non, c'est la mère qui fait sa couture à ce moment-là. Où t'as la caméra qui est sur une grue, donc qui du coup la contourne totalement et qui après se braque sur le placard, le fameux placard. Le plan est sympathique, mais en fait, c'est comme tout l'ensemble du film, il manque d'ambiance, il manque de noirceur, alors que bah, normalement, Carrie devrait y en avoir, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, juste pour prendre cet exemple-là du placard, à aucun moment, le placard n'est terrifiant. Oui. Le placard n'est pas iconisé comme quelque chose de terrorisant pour Carrie, alors que c'est ce que c'est normalement. Oui, c'est un problème de photographie, là, je pense. Et de photographie et d'ambiance aussi, je pense, quand même. Mm. Parce qu'il y a... On sent qu'on veut nous faire croire que le placard est horrible, parce que quand on le voit, quand le placard s'ouvre pour la première fois, t'as des jump cuts comme ça, sur différents plans du placard, mais tu fais, c'est un placard, en fait. À aucun moment, tu te dis, ah oui, c'est le placard d'une dame qui a été un petit peu matrixée par la religion et qui maintenant est un petit peu fofolle. Tu te dis pas ça. Ça, tu te le dis dans la version de Palma. Mais là, tu te dis, c'est un placard. C'est quand même dramatique. C'est un film qui manque cruellement d'ambiance, qui dans son scénario, dans son intrigue, ne te happe pas. Le destin des personnages, limite, tu t'en fous un peu, ce qui est dommage avec les thèmes que ça est censé devoir aborder. Oui. Les personnages, t'as pas plus d'infection que ça pour eux, parce que les dialogues font que tu les survoles plus qu'autre chose. Bref, c'est quand même un film qui, au final, n'apporte rien à ce que, malheureusement, même s'il voulait s'en détacher totalement, et même si tu veux te forcer à ne pas faire la comparaison, c'est pas possible de pas faire de comparaison, le film n'apporte rien comparé à ce que De Palma a déjà fait. D'autant que, outre la fin, il fait quand même pas mal de références par-ci par-là à De Palma. Mmh. Notamment, on retrouve le dialogue qui est repris aussi dans le téléfilm sur la couleur de la robe. Où, parce que le roux, en fait, quand Carrie met sa robe de bal, il y a dans le roman sa mère qui vient la voir en disant rouge, je savais qu'elle était rouge, je savais que ce serait rouge. Le truc, c'est que dans la version de De Palma, comme on l'avait dit, ils se sont rappelés de ça une fois qu'ils avaient designé une robe blanche. Ouais. Et donc ils ont rajouté ce dialogue, non, elle est blanche, maman. Et ça, ça a été repris avec le rose dans le téléfilm et dans cette version-là, mais ce qui fait du coup une référence directe au film de De Palma, en plus de la fin. Ah oui. La manière dont la mère se fait crucifier aussi. Manière dont la mère meurt aussi. Ça renvoie typiquement à De Palma. Ouais. Hein. Ouais. Franchement, il y a énormément de choses qui renvoient à De Palma. Mm. Même les plans du bal sur la fin, quand le seau lui tombe sur la gueule, manière de filmer de Palma. Hein. Mm. La seule différence, c'est que c'est des jump cuts et du ralenti à la place du... comment ça s'appelle ? Du split screen. Il y a aussi du ralenti au moment où le seau tombe dans De Palma. Ouais, mais du coup, c'est le split screen qui... Enfin, du coup, le jump cut remplace le split screen. Mm. Mais bon, c'est fondamentalement, c'est la même chose. C'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure quand un petit peu plus tôt, ils auraient, enfin, quitte à refaire une version de Carrie, autant faire une version avec l'intervention, avec les coupures de presse, avec les scènes d'interrogatoire, vraiment faire un film épistolaire. Oui. Pour vraiment faire une nouvelle version, une nouvelle vision. Ouais, c'est ça, il aurait fallu avoir cette audace-là. Parce que là, typiquement, ça n'apporte rien. Mm-hmm. Ce que De Palma a déjà fait. Effect... Effectivement, les relations entre Carrie et sa mère, on l'a évoqué, c'est peut-être le bon point de cette version-là. Parce que quand elle n'est pas trigger par quelque chose, la mère, en effet, c'est une mère presque normale, un peu protectrice, mais aimante envers Carrie. Ce qui rend un personnage intéressant, parce qu'on peut se dire, oui, elle est réellement sincère dans son attachement à Carrie, c'est juste qu'elle est complètement folle, et donc elle fait n'importe quoi. Mais à ce niveau-là, ça apporte un truc, je trouve. J'aime bien, pour illustrer sa folie, la scène où elle est dans son magasin, et une cliente va récupérer les affaires d'un coup qu'elle a dû retaper, et l'autre lui a dit des banalités sur la jeunesse et tout, et puis... On sent que ça la fait chier et t'as l'impression que pour détourner un petit peu son esprit de tout ça, qu'elle s'enfonce une aiguille à tricoter dans la cuisse. Mmh. Cette scène-là est plutôt sympa. La mise en scène, l'ambiance... Là, il y a quelque chose qui se dégage de cette scène, contrairement à tout le reste. Mais globalement, ce que je pourrais reprocher au film, c'est que les personnages semblent s'en foutre de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment... Dans la douche, t'as quand même les ampoules qui se mettent à grésiller de partout. Et t'en as une, je crois, qui pète. Tout le monde semble s'en foutre. Ouais. Dans le bureau du proviseur, t'as la bonbonne d'eau qui explose littéralement. Tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, ça fait pas trop réagir. Ouais. Tu fais, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'en fout. Comment ça se passe? C'est une critique que j'ai vue revenir plusieurs fois. Et effectivement, moi aussi, je me suis posé la question pendant la vue. Je me disais, mais pourquoi personne ne réagit? Et il y a aussi tout ce passage qui, du coup... introduit aussi l'internet et les nouveautés technologiques, les recherches de Carrie sur la télékinésie et tout ça, où à un moment elle va au CDI pour regarder des vidéos sur internet et tu dis oui mais ça n'apporte rien en fait. Oui. Ça n'apporte rien, et puis en plus derrière t'as le mec qui observe, tu sais tu peux mettre en grand écran, mais ta gueule toi je t'ai rien demandé, qu'est-ce que tu m'emmerdes. Sachant que si tu commences à chercher les trucs sur la télékinésie sur internet, tu finis par tomber sur des complotistes, normalement. T'as Carrie qui finit par te parler du Deep State, de donc Bill Gates et le vaccin qui veut nous injecter, des nanobots. La 4G. Donc voilà, Rapport à Internet, le plus gros gâchis, c'est vraiment tout ce qui est autour de la vidéo. Ah oui, voilà. Parce qu'en fait, c'est un thème intéressant de se dire que, au-delà de la moquerie initiale qui aurait pu passer si en changeant d'établissement, etc., avec l'aspect vidéo, c'est potentiellement une trace qui reste éternellement sur Internet, qui sort de la limite de la classe, qui va se diffuser à toute la ville. Donc, là, il y avait vraiment un truc à traiter autour de la question du harcèlement en ligne, en fait. Ah, mais non. Non, c'est juste balancé et très peu utilisé, à part comme un outil de pression sur Chris père. C'est même à se demander, en fait, si les personnes qui ont écrit ces scènes-là savent de quoi elles parlent, en fait. Ou alors il y a eu des trucs coupés à ce niveau-là, parce qu'ils se sont dit non, ça ennuierait tout le monde. C'est trop sérieux. C'est possible. Que pareil, ça manque un peu de scène entre les personnages secondaires, entre Sue et Tommy, entre Sue et Chris, surtout autour de Sue, je trouve qu'elle est beaucoup trop mise en retrait dans cette version-là. En fait, l'un des problèmes aussi de ce film, c'est que tout n'est que pour Carrie. Il n'y a pas une seule scène, il n'y a pas un seul événement, il n'y a pas un seul dialogue entre les personnages, même quand Carrie n'est pas là, qui ne concerne pas Carrie. Ouais. T'as l'impression que les personnages ne vivent et n'évolue que pour le centre d'intérêt principal du film. Ouais, ce qui peut arriver, mais t'es pas censé le sentir normalement quand c'est bien écrit. Alors que là, c'est trop, beaucoup trop. C'est-à-dire, elle va le voir après le match, tu dis, ça aurait pu donner une petite scène mignonne d'amourette, mais non, il faut qu'on parle directement de Carrie tout de suite. Ouais, ça vient trop tout de suite, tandis que normalement, parce que c'est aussi dans les autres versions, mais il y a un peu plus de temps de développement avant d'en arriver à Carrie. Et puis surtout, chez De Palma, j'avais l'impression quand même que Sue a fait ça pour Carrie, mais ça l'a fait un petit peu chier quand même de pas assister à son bal. Oui. Alors que là, on dirait vraiment que dans la version De Palma, que ça l'a fait chier. Ouais. Là, on dirait vraiment que elle le raye d'un coup de crayon direct et hop, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Non, mais c'est bon, c'est mon plan, on va faire ça. Les gars, c'est comme la scène où ils vont récolter le sang de porc. Hein. Elle est expédiée, mais comme ça. Hein. Oui. Mais encore une fois, je pense que elle dure le temps qu'il faut en soi, c'est juste qu'elle est mal faite. Oui, voilà. Et puis que, tant Chris que Billy, on n'arrive pas à savoir quelle est leur relation exacte. J'ai l'impression que Chris, il y a une fois, elle est totalement dominée, et deux secondes plus tard, d'un claquement de doigts, ça devient la dominante ouais. du couple. Je sais pas ce que ça veut installer via leur relation, en fait. Ouais, ouais. Alors que dans le roman, et même chez De Palma d'ailleurs, c'est surtout lui qui la pousse à être une... C'est une saloperie, quand même. Oui. Mais il a quand même lui aussi un effet qui décuple le fait que ça soit une saloperie. Ouais, bah disons qu'elle, c'est une saloperie, mais lui, c'est un criminel. Donc, voilà, c'est l'association des deux qui dégénère vraiment. C'est ça. Lui, je ne comprends pas, d'ailleurs, le petit ami de Chris, j'ai oublié son nom. Billy. Billy. Le film se veut moderne, mais lui, il a un look... il a un look des années 80. Je ne comprends pas. Il a le manteau... Il a le manteau blouson noir, tu fais, mais il sort d'où lui ? Lui, typiquement, il sort du film de De Palma. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il se la joue Travolta, il est à donf. C'est incroyable, lui, c'est une erreur, c'est une faute de goût, le personnage, là, son costume. C'est incroyable, tout le monde est habillé normalement, mais lui, il sort des années 80. Je fais, mais qu'est-ce que ce bordel ? Se la péter, j'en sais rien. il faut quand même parler du bal. Ouais. C'est bon. Parce que c'est quand même. Le passage un peu normalement emblématique du roman, de la version de De Palma, et de toute façon c'est un passage qui doit être emblématique dans toutes les adaptations de Carrie. Oui, forcément, oui. Et donc il faut parler de comment est mis en scène les pouvoirs. Moi je trouve ça ridicule personnellement. Bah, le souci c'est que je trouve qu'il y a un décalage qui va pas entre la manière dont joue Chloé Moretz, qui aurait pu être intéressante hein, en soi, une Carrie beaucoup plus exubérante. Oui. L'utilisation de ses pouvoirs. Ça aurait été cohérent que le fait de découvrir ses pouvoirs la fasse passer de très renfermé et timide à quelque chose de très démonstratif. Ouais, sauf que là, c'est... Sauf que c'est assez mal mis en scène. Là, c'est trop théâtral, je trouve. Ouais. Et la réalisation, surtout. Si la réalisation avait été tout aussi exubérante, en fait, on aurait pu accepter. Oui. Mais là, je trouve que comme la réalisation essaie de toujours garder un côté presque naturaliste, ouais. effectivement, ça va pas et ça a l'air juste un peu ridicule. C'est ça. Parce qu'au-delà de ça, par contre, les effets spéciaux de la scène sont plutôt réussis. Pas tous, hein, il y en pas a tous, un jeu que j'ai trouvé dégueu. Moi. Certains sont... Enfin, ouais. Je trouve que la majorité sont réussis, en tout cas. Ouais. Les mises à mort, les différentes mises à mort des personnages sont quand même assez douces, pareil, ouais. à ce que je pourrais s'attendre. Je trouve qu'on sent qu'il fallait pas choquer. Voilà. C'est trop propre, mais il y a de l'idée. En fait, il y a de l'idée, mais c'est trop propre. Ouais. C'est, tu vois, par exemple, quand t'as deux personnages à un moment qui... mettent en place les gradins pour pouvoir s'échapper, et donc du coup bah, Carrie ferme le gradin, il y en a un qui se retrouve coincé oui. et qui se fait compresser entre les gars, mais sauf que la cam coupe au moment où ouais. il se fait compresser, et du coup c'est ça qui rend la scène trop sage, mais parce que sinon l'idée est bonne mais alors qu'il y a moyen en plus de ne pas montrer vraiment le truc gore mais de tellement bien le suggérer que oui voilà bah avec juste avec un jeu d'ombre chinoise ouais. Voilà juste ça, c'est possible. C'est une grosse spécialité de Sam Raimi dans les deux premiers Spider-Man, ça de faire des trucs ultra gore dans ce que ça suggère, mais de naissance. Ne jamais les montrer. La naissance d'Octopus est connue pour ça. Voilà, la naissance d'Octopus, c'est ultra gore en vrai. Alors qu'il n'y a pas une goutte de sang dans la scène. Voilà, alors que c'est tout propre, ouais. c'est juste que par contre, quand tu vois les images, tu fais ah oui, c'est violent quand même. en parlant de Sam Raimi, en fait, je trouve qu'il y a le même problème dans la manière de filmer les pouvoirs qu'il y avait dans Doctor Strange 2, à savoir qu'on ne voit quasiment jamais l'utilisation des pouvoirs et leur effet. Sur le même plan, en ouais. fait. Alors que c'était en partie à ça que servait le split screen, en fait, chez De Palma. C'était à pouvoir montrer Carrie, qui en plus était très sobre dans la version de Palma, juste elle tournait le regard, ouais. Elle regardait quelque chose, il y avait un coup de violon à la musique, et tu voyais l'effet tout de suite. Et je trouve que c'est important, quand tu utilises des pouvoirs magiques, à un moment au moins de montrer, surtout quand tu as une gestuelle très travaillée, de montrer la gestuelle en même temps que les pouvoirs vraiment. Oui. Et là, pour moi, c'est une erreur de réalisation, limite. Et je comprends vraiment pas qu'on la fasse, parce que ça me paraît tellement une évidence comme choix, que je comprends pas. Donc, ouais. Je sais pas ce qui peut expliquer ça, mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que la version de Palma, du coup, donne plus de corps et de crédibilité à la puissance, et surtout à la terreur que le spectateur peut ressentir envers Carrie. Parce que là, du coup, oui. il fait pas du tout... Déjà, le film en lui-même n'a rien d'effrayant. Oui. Et en plus, cette scène de balle-là, elle est encore moins. Mais vraiment, la gestuelle, ça m'a fait penser à la grande méchante de Suicide Squad, quoi. Je sais pas si tu te souviens, mais à la oui. fin de Suicide Squad, c'est un peu les mêmes mouvements. Je danse. C'est très... Je fais, non, en fait. Mais encore une fois, ça aurait pu être intéressant. Alors je me suis peut-être totalement fourvoyé, mais dans la scène où elle est dans sa chambre à découvrir ses pouvoirs avec ses livres, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une dimension presque orgasmique à l'utilisation des pouvoirs. Ouais, un petit peu, genre oui. Mais je sais pas si c'est que c'est mal filmé et que le jeu est très exubérant, ou si c'est volontairement, et ce serait cohérent, de lier aussi les pouvoirs à la découverte de sa sexualité. Ouais. J'ai reçu ça, moi, quand elle poignarde sa mère. Quand sa mère est crucifiée, oui. T'as plusieurs éléments tranchants, phalliques, qui pénètre le corps de sa mère, et dès que ça pénètre, t'as un gros plan sur le visage de Julianne Moore, qui du coup pousse un râle. Mmh. Et ça m'a aussi évoqué une découverte de la sexualité. Ou... Ouais, je pense vraiment qu'il y a cette idée-là. Et puis pour la scène de la chambre, ce qui va dans le sens, dans ton sens, c'est aussi le fait que Julianne Moore monte les escaliers, oui. Que du coup, il faut que ça s'arrête avant qu'elle arrive, parce que sinon elle la surprendrait sur le ouais, fait. Voilà. Il y aurait cette petite honte, adolescente, forcément, de quand tu fais ta petite affaire, t'essaies de faire en sorte de pas te faire surprendre par tes parents, logiquement. Sinon, c'est illégal, messieurs, dames, sachez-le. Illégal tout de suite. Bref, Issam, c'est illégal. Tu as beaucoup trop lu de mangas bizarres. C'était à cause de toi, c'était pour ton podcast. Pardon. Mais donc oui, c'est fort possible. Encore une fois, truc très bien fait d'ailleurs dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. Oui. Il balance sa toile partout dans sa chambre. J'aime oui. beaucoup cette scène. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi, tu m'invites pas à entrer? Qu'est-ce que tu veux? Reste pas là. T'es du genre direct comme fille, hein? Cool, alors pour le bal, tu m'as pas répondu. Je t'ai déjà dit que... Oui, je sais, mais j'espérais que tu changerais d'avis. Les filles, ça change tout le temps d'avis. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça me fait plaisir. Tu dois t'en aller. Je m'en irai pas avant que t'aies dit oui. Pourquoi ça compte tellement pour toi? Parce que je crois qu'on passera une soirée sympa. Et puis parce que j'ai trouvé que ce que t'as lu en cours, c'était cool. Tu sais, moi aussi j'avais lu ce bouquin au CDI. C'est le type qui fait s'écrouler le temple, Samson, hein? C'est oui. Oui, d'accord, j'irai avec toi. Il faudra que je sois rentrée à 10h30. Pas de soucis, d'accord. Je passe te chercher à 7h. D'accord. Mais la scène de découverte des pouvoirs de Carrie, je la trouve pas trop mal. Oui. Elle est moins dans le théâtral, quand elle fait bouger tous les livres et tout autour d'elle, un petit peu, mais beaucoup moins que dans la scène de bal. Je trouve que visuellement, elle rend bien, encore une fois, ça manque d'ambiance, ça manque d'un côté un peu sombre, en fait, tout ça. Comme dans l'ensemble du film. Ouais, c'est ça. Mais ça, en fait, ça se voit dès la première scène, parce que là, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, là, c'est la particularité de ce film, s'ouvre sur l'accouchement de Margaret White. Et il y a de l'idée, c'est-à-dire elle est persuadée qu'elle a une sorte de cancer au départ, en fait, comme dans le livre, en fait, elle n'arrive pas à concevoir qu'elle puisse être enceinte. Oui. Et donc elle accouche par surprise, dans l'atroce souffrance, toute seule dans sa chambre, et elle hésite à poignarder son bébé, et finalement elle n'y arrive pas, elle a un de ces moments d'humanité qui fait qu'elle n'y arrive pas. Donc ça aurait pu être une scène très très puissante. Mais je sais pas, dans la réalisation, il y a un truc qui va pas, alors que Julianne Moore joue très bien, c'est pas elle qui est en doute. Dans la réalisation, tu peux même te poser la question sur est-ce que c'est elle qui s'arrête volontairement ou est-ce que c'est Carrie qui déjà a des pouvoirs et qui l'arrête en fait. Ce qui aurait pu être intéressant comme vidéo. Oui, pour tout à fait. Mais du coup, ce qui rend pas le truc intéressant, c'est que tu te poses la question. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Est-ce que c'est qui arrête le mouvement? Bah, ou alors, oui, non, c'est à la limite qu'on ait le doute, oui, c'est juste que je suis pas sûr que ce soit volontaire qu'on l'ait. Oui. Mais, ouais. Mais par contre, l'idée de la scène est bien. Ouais. Ça, on est d'accord. C'est juste que même cette scène-là, elle est beaucoup trop propre. Oui. On parle d'un accouchement sauvage comme ça, d'une femme toute seule qui sait pas ce qui lui arrive. C'est le film est R-rated, mais ça reste sage. Hein. Ah oui, c'est bon. Vient du coup la fin. Ouais. Avec la fameuse pluie, la pluie de cailloux. Alors on peut mentionner entre-temps la mort de Chris, oui, qui est peut-être le seul moment un peu réellement gore hein, quand elle s'encastre dans le pare-brise. Ouais. C'est le seul moment où, limite, c'est surprenant. Parce que t'as juste ce truc-là. L'effet va pas trop mal faire, en plus. Comme les autres versions, un peu moins que celle de Palma, mais ça reste très timide au niveau de la destruction de la ville, au final, il n'y a pas grand-chose. Alors ça que pareil, pour le coup, pendant la promo, en plus, celui-là avait dit que ça le ferait. Hein. Et ben, du coup, il y a un peu une la fausse publicité, limite, à ce niveau-là. Oui, puisque là, on la voit pas, la destruction. On sait qu'elle a eu lieu. Ouais. On voit au loin des incendies un peu partout. Mais c'est tout. Mmh. Alors que oui, chez De Palma, on ne voit rien. On voit que le, bah, que du coup, le, l'école qui crame. Si on voit, je crois, bah, si on voit quand même la station essence. Oui, c'est ça, mais pour des questions de budget, parce que je pense que ça ne l'intéressait pas aussi. Alors que dans, dans le roman, bah, c'est la ville est rayée de la carte. Ouais. Et puis de ville. Et tout, il n'y a plus rien. C'est ce, qu'on, c'est ce que King sous-entend, en tout cas, dans le roman. Oui. Clairement, il n'y a plus rien. Ça aurait pu donner un Carrie versus Charlie. Et du coup, ça sera pour la troisième adaptation. Ouais. Mon dieu. Bah, surtout que maintenant, on peut reprendre Chloé Moretz. Charlie, on prend la gamine du dernier. Même si enfin, la quatrième adaptation, même, parce qu'elle est téléfilm, c'est vrai. Oui. Bah, après, il y en a un, c'est une suite, techniquement. Mais... Oui, mais du coup, il y a Carrie, téléfilm. Carrie, téléfilm. Ce Carrie-là, et donc, ce serait une quatrième adaptation. Ouais. C'est ce que je dis. Et oui, donc, il y a la fin avec Margaret. Plus de météore. Ouais. Juste après la mort de Margaret, du coup. Et bah là, le souci, c'est le final avec Sue. Elles se sont quasiment jamais croisées, en fait, du film. Donc leur scène ne marche pas. Le seul truc qui marche un petit peu, c'est si toi, t'as eu un peu d'affection pour la relation Sue et son petit ami, parce que ton... On te confirme qu'elle est enceinte, parce que normalement, en tant que spectateur, tu l'as déjà compris avant. Oui, parce qu'il y a une scène où elle se lève pour aller vomir. Un matin pour aller vomir, c'est suffisamment clair. Quand même. Normalement, c'est quand même assez explicite pour que ton cerveau de spectateur te dise « Ah, ou alors, c'est une gastro, mais c'est thématiquement pas très pertinent dans le carré. C'est toute une sous-intrigue sur la chiasse dessous. Bon. Putain. Donc voilà, normalement, ça, tu l'as compris déjà en tant que spectateur, donc genre, bof. À mon avis, ça c'est volonté de producteur parce qu'il y a toujours des spectateurs cons, il faut quand même leur faire comprendre. Oui. Voilà. C'est... Oui, t'aurais pu le faire en silence avec juste Carrie qui s'apprête à la tuer et puis qui se rend compte qu'il y a un truc qui fait qu'elle peut pas le faire. Oui, ça aurait été plus intéressant silencieusement. Comme genre, ça. Elle pointe le doigt, la main au niveau de l'estomac, enfin du ventre, tu comprends. Ça, ça aurait pu être. Ou même juste un son, genre tu fais un petit battement de cœur léger et voilà, tu comprends. Il y a plein de manières de le faire comprendre sans que ça soit dit verbalement. Mais ça, les explications verbales de fin de film, c'est l'un des cancers du film hollywoodien de ces dernières années. Ah oui, non, ça devient insupportable. Ouais. C'est vraiment. C'est pour ça. C'est juste pour ça que le Silent Hill de Gantz n'est pas un film parfait. C'est juste pour les 15 minutes d'exposition à la fin. Et encore, hein, ça, dans le Silent Hill de Gantz, on sait que c'est une volonté des producteurs ça. Clairement. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. On dirait que c'est calibré aussi pour la diffusion télé, parce que c'est un truc très de télé de devoir répéter régulièrement les enjeux, parce que les gens peuvent regarder sans faire attention. Au cinéma, normalement, le spectateur est censé être attentif, il n'est pas censé avoir besoin de ça, donc ça me gonfle que ça y soit à la télé, ça s'explique aussi souvent. À la télé, ça s'explique parce que de une, t'es chez toi, donc t'as ton environnement qui peut te perturber, et aussi t'as les coupures pubs qui viennent te perturber toutes les 10 minutes, qui cassent les couilles. C'est pour ça qu'on répète souvent. Mais ouais, surtout dans le cinéma d'horreur, c'est vraiment un... Enfin, ça peut tuer l'ambiance, le mystère et donc la peur très facilement, ça. Ah oui. Donc, Sue est enceinte. Ouais. Carrie l'éjecte gentiment de la maison. Elle dit « Oh, c'était gentil, comme... » Elle l'a sorti, elle l'a posé délicatement sur le trottoir. « Oh, c'est gentil. » C'est courtois. C'est un bon geste. Et puis la maison, bah, y a plus. Y a plus maison. Et puis bah après, on a le rêve... Enfin non, on n'a pas le rêve. Non, nous, on n'a pas le rêve. On n'a pas le rêve dessous. On a la vision sur la tombe. On ne sait pas comment... Exactement le même tag. Alors, le texte est repris à King. Donc voilà, le texte, c'est le texte. Mais il y a quand même le même design du tag que dans la tombe du rêve dessous dans le film de Palma. Donc, pour un plan final, pour se libérer de son modèle, c'est chaud. Et puis, bah, la tombe se craquelle sans qu'on sache vraiment pourquoi. Il n'y a aucune raison au craquellement de la tombe. Oui, c'est ça, ça voulait créer un twist de fin, il n'y en avait peut-être pas besoin, je veux dire. Pour... Besoin. C'est pas parce que De Palma l'a fait qu'on est obligé de finir Carrie sur un twist, sur un truc comme ça. Hein. Et puis même le jumpscare final de la version de Palma, on sait pas vraiment si c'est un songe. Enfin voilà, c'est... Oui. Il y a ça aussi. C'est... Alors que là, on a l'air d'être ancré dans la réalité, devant cette tombe. Ah oui, là, c'est clairement la réalité. De Palma, bah, tu sais que c'est un rêve de Sue, mais tu peux te dire qu'elle va jamais en sortir de ce, voilà. de cet état psychologique, parce que son cri dure vraiment longtemps, en plus, dans la version de Palma. Le dernier plan est très long. Alors que là, ça fait comme énormément de films d'horreur, finalement, des années 2000, fin 90-2000, où il te faut un jumpscare final, une espèce de jumpscare slash twist, où genre on te montre ah la menace n'est peut-être pas totalement morte, genre typiquement le beaucoup d'exemples de films de merde aujourd'hui, le Godzilla de Emmerich où tu vois un œuf qui éclot à la fin et donc tu comprends qu'il y a un autre bébé Godzilla encore vivant, voilà, et puis au final ça n'a rien donné et puis tu t'en bats les couilles surtout, oui, voilà. Alors que pour rester dans les Godzilla, c'est un truc qui peut être très bien fait, parce qu'il y a un peu la même idée de menace qui peut renaître dans, à la fin du Godzilla, du Shin Godzilla de Hideaki Anno, vu qu'à la fin tu vois sa queue où il y a des trucs chelous qui commencent à se former, et tu dis ouais, celui-là s'il se réveille c'est la merde quand même. Hein, c'est... Enfin, globalement il a déjà rasé Tokyo de toute façon. Ou comme jumpscare final slash twist qui lui a donné du coup quelque chose derrière, à la fin du premier Vendredi 13. Avec la nana qui est qui est dans la barque, ça y est, c'est, le cauchemar est fini. Et puis là, t'as Jason Voorhees, parce que dans tout le film, spoiler, c'est pas Jason qui est le tueur du premier Vendredi 13, c'est sa mère. Mm-hmm. Et où à la fin, là, c'est Jason Voorhees qui sort du lac et qui s'abat sur la survivante. Ouais. Et le film s'arrête là. Mais du coup, lui, ça donnera quelque chose, parce qu'après, ce sera Jason Voorhees qui deviendra le grand boogeyman de la saga Vendredi 13. Ce qui est un peu improbable, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait des trucs à faire... Bah, autour de la fin annulée, celle avec le rêve où la main de Carrie sort et qui se finit sur le même plan que De Palma, en fait, tout simplement, ils auraient pu peut-être avoir l'accouchement normal de Sue, mais dans la réalité, pas dans un rêve, et de juste voir que visiblement le bébé a des pouvoirs télékinésiques. Ça aurait pas été totalement un jumpscare, ça aurait été plus une transmission de pouvoir avec l'idée que Carrie a à un moment eu un contact mental avec le fœtus. Pourquoi pas, ça, à la limite, si vraiment vous tenez à ce qu'il y ait un twist de fin, ça m'aurait paru le plus logique, tu vois, étant donné tous les éléments qu'ils avaient, parce que là, dans la version finale, le fait que Sue soit enceinte, ça sert juste à ce qu'elle soit épargnée par Carrie à la fin, sinon c'est inutile. C'est ça. Donc voilà, c'est... La preuve de sport est sauvée, d'ailleurs, hein, dans cette version-là. Bah dans toutes, normalement, non ? Elle meurt pas chez De Palma ? Bah non, vu qu'elle est dans Carrie 2. Oui, c'est vrai, il me semblait qu'elle mourait. Non, à chaque fois, normalement, je crois... J'ai un doute sur le téléfilm. Ah ouais, c'est peut-être dans le téléfilm alors qu'elle... Ouais. C'est possible que dans le téléfilm, elle soit sacrifiée, parce que dans le téléfilm, elle perd vraiment le contrôle, Carrie, c'était le choix qu'avait fait le téléfilm, elle contrôle pas du tout ses pouvoirs. Ouais. Donc c'est possible. Il y a un truc aussi qui m'a aussi perturbé, je me suis dit... C'est marrant, parce que dans le film, il développe des choses, mais il développe des choses, mais il les développe pas. C'est-à-dire que dans la diégèse du film, tu vois que parmi les tortionnaires, t'as deux jumelles. Ouais. Elles sont souvent montrées. Elles ont souvent des interactions de jumelles un peu rigolotes, genre chez le coiffeur, où t'en as une qui regarde comme ça, et t'as l'impression qu'elle regarde son reflet, et t'as la caméra qui se met sur le côté, et en fait, tu vois qu'elle regarde sa sœur jumelle. Et le plan de caméra est du coup plutôt pas mal. Mais, au final, elles ne servent strictement à rien. À aucun moment, elles ne sont développées. Oui, C'est-à-dire que le film te développe un truc, mais il ne te le développe pas. Mm-hmm. C'est quand même extraordinaire. Les jumelles dans le cinéma d'horreur, ça m'a vraiment c'est que perturbé, ça marche. Ça. Sur la fin du film, je me suis dit, mais en fait, les jumelles. Parce que tu les vois se faire marcher sur le dessus, c'est comme ça qu'elles meurent pendant le bal. Mais voilà, je me suis dit, tiens, c'est marrant, un film qui développe des trucs sans les développer. C'est pas mal. Bah, tu sens que c'est l'étape intermédiaire, en fait, c'est pas assez poussé pour. En fait, c'est trop poussé pour être totalement un détail et c'est pas assez poussé pour être intéressant. Oui, voilà, c'est ça. Le truc que j'ai trouvé un peu décevant, mais qui est un truc général, alors de films d'horreur, notamment récents, c'est que dès qu'il y a un moment joyeux, on met une musique qui existe déjà. Et en fait, ça, je trouve ça assez nocif aux BO de films d'horreur, parce que ça veut dire que les BO de films d'horreur, en fait, ont de moins en moins différentes ambiances à faire, parce que dès que l'ambiance va être plus légère, en fait, la BO va être remplacée par une chanson qui existe déjà. Et c'est le cas notamment dans la scène qui est aussi présente chez De Palma, où tu vois les garçons et les filles, chacun de leur côté, se préparer pour le bal, s'éclater en mettant leurs costumes, etc. Dans la version de De Palma, c'est la musique originale de Pino Donaggio à ce moment-là. Dans le remake, c'est une chanson. Et du coup, ça fait que la BO ne peut pas avoir ce moment de respiration. Et je trouve ça très dommage, en fait, niveau storytelling musical. En général, je trouve ça toujours dommage quand un film, pour sa BO, utilise une vraie musique. Des fois, ça peut être bien fait, avec des choix très conscients. On aime tous les deux Tarantino, quand même, donc voilà. Oui. Des films comme James Gunn le fait bien aussi, c'est quand il le fait. Mais oui, c'est en train de devenir une sorte de code du cinéma d'horreur et du cinéma d'action aussi, qui est assez agaçant. Pas James Gunn, quand il le fait, très souvent, c'est dans la digeste du film. Oui. Dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est dans la digeste du film. Oui, effectivement. Tu vois, c'est vraiment dedans. Donc du coup, parce que la BO, c'est pas la diégèse, c'est l'extérieur, oui, normalement. Oui, les personnages n'entendent pas la musique de BO. Alors que là, quand t'entends la musique d'intro du deuxième Guardians of the Galaxy, Mr. Blue Sky. Voilà, quand t'entends Mr. Blue Sky, les personnages l'entendent, enfin Groot l'entend, parce que c'est lui qui l'écoute. Les autres sont à autre chose à foutre, mais oui. Mais lui, il l'entend. La scène est fabuleuse. Voilà. Donc c'est pas exactement pareil pour le coup. Oui. Mais par contre, oui, chez Tarantino, là. Elle est en dehors du film. Mais voilà, c'est un truc qui est en train de devenir, j'ai l'impression, un code imposé par les producteurs. Au départ, c'était surtout dans l'horreur. Maintenant, c'est en train de se déplacer à cause de James Gunn. Mais c'est devenu le nouveau moyen de faire cool dans les films de super-héros. Et du coup, Thor 4 nous dégueule les Guns N' Roses tout du long. Et c'est un gros problème de Black Adam aussi. Surtout qu'en plus, très souvent, ils les utilisent à des moments où, en fait, tu vois pas la pertinence de les utiliser. Oui, c'est ça, ils les utilisent à des moments où c'est pas pertinent, ils les utilisent, ils te mettent 10 secondes de musique et après ça coupe à autre chose. C'est ça. Enfin, il y a un an, ça gère un truc comme ça, c'est pas juste t'achètes les droits d'une chanson des Stones ou des Guns N' Roses et tu vas balancer à la zob. Là, pour le coup, c'est vraiment faire du James Gunn sans comprendre. Ouais. James Gunn, en fait. C'est ça. Et donc, voilà, je trouve ça dommage dans Carrier, je me disais que c'est une évolution de la musique d'horreur qui est peut-être en train de passer un peu dernièrement, mais qui était dommageable, je trouve. Oui. Si, Edgar Wright le fait aussi, de temps en oui. temps. Mais du coup, lui, ça colle bien. Par exemple, toute l'introduction de Baby Driver. Oui, mais voilà. Après, Baby Driver, encore une fois, elle est dans la diégèse. Baby Driver, en fait, les musiques ont été choisies avant le tournage pour pouvoir rythmer. Pour pouvoir rythmer parfaitement les scènes. Et quand il a fait, parce que c'est aussi, il y a pas mal de musique extérieure dans Last Night in Soho. Ouais. Mais là, en fait, il a carrément demandé au compositeur de la BO principale de reprendre les pistes additionnelles et de les modifier des fois. Donc, il y a vraiment une cohésion dans ces cas-là. Oui, mais c'est un travail. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui me gêne, c'est quand c'est juste balancé à la zob. Oui. Voilà, sans justification, sans trop de recherche. Ouais. Sans réfléchir même au contexte de la musique. Quoi. Oui, voilà. Il y a aussi ça. Si tu veux créer un truc logique, tu réfléchis au contexte de la musique. Quoi. C'est ça. Donc voilà, cette déception autour de Carrie qui s'ajoute à d'autres trucs. Et j'imagine les mecs qui ne réfléchissent pas du tout et qui te balancent Welcome to the Jungle en plein film de super-héros alors que le mec est dans le désert. Et là, ça serait grandiose en fait. Ouais. C'est vraiment genre, on s'en bat les couilles. Si tu le fais pour troller, ça peut devenir très drôle. Oui, voilà, c'est ça. Et ça serait vraiment extraordinaire. Mais eux, ils le font. Vous, dans une scène de désert, tu balances la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Ça serait extraordinaire. Putain. Il faut vraiment qu'on réalise un film. Et sur une scène de baston de guerre, tu balances Imagine de John Lennon. Putain. Voilà. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour de ce nouveau Carrie. Oui, clairement, oui. On va tout de même pouvoir faire, cette fois-ci, une scène du livre. Ouais. Donc c'est bien une adaptation. Et donc, on va se lancer là-dedans. Eve, you wicked woman, you done put your curse on me. Why didn't you just leave that apple hanging in the tree? You make us hate our husbands, our lovers and our boss. Why I can't even count the good friends I've already lost. Cause Eve is blue. Très bien. Nous allons lire une scène du début de la deuxième partie du roman, quand Carrie a été invitée au bal par Tommy Ross, donc le petit ami de Sue, elle a accepté, mais elle doit annoncer la nouvelle à sa mère. Et donc on va lire, enfin je vais vous lire, Carrie dans son édition chez Albin Michel, traduit de l'américain par Henri Robillot. C'est la première fois je crois qu'on voit son nom. Parce que je crois qu'il a dû traduire juste Carrie. Ça doit être une ancienne traduction, à mon avis. La cover laisse penser que c'est une édition qui date d'après la sortie du film de, oui, de Palma Terre, en général. Après, je suis pas sûr qu'ils aient été retraduits, les King Yarn, ensemble. Donc, ça doit toujours être cette édition qui est... cette traduction qui est en circulation. Ok. Alors. Et du coup, nous sommes à la page 112. Tu n'as pas touché ta tarte, Carrie. Maman leva les yeux du tract qu'elle lisait avec attention, tout en buvant son infusion. « C'est moi qui l'ai faite. Ça me donne des boutons, maman. Tes boutons, c'est une punition du bon Dieu. Allez, mange ton gâteau. Maman ? Oui ? » Carrie plongea. « J'ai été invitée au bal de printemps vendredi prochain par Tommy Ross. » Le tract était oublié. Maman la dévisagea avec un air, je n'en crois ni mes yeux ni mes oreilles. Ses narines palpitaient comme les naseaux d'un cheval qui vient d'entendre galoper la queue d'un serpent à sonnette. Carrie, une boule dans la gorge, tenta d'avaler sa salive. « Je n'ai pas peur. Oh, si, j'ai peur. » Et n'y parvint qu'à demi. « Et c'est un garçon très gentil. Il m'a promis de passer à la maison pour que tu fasses sa connaissance avant et... Non. Qu'il me ramène à 11h, j'ai... Non, non, non. Accepté. Maman, je t'en prie. Si tu pouvais comprendre qu'il faut que je tâche de vivre avec les autres. Je ne suis pas comme toi. Je suis bizarre. Je veux dire... À l'école, il me trouve bizarre, et je n'aime pas ça. Je veux essayer d'être normal, d'être moi-même, avant qu'il soit trop tard. » Madame White lança son thé à la figure de Carrie. Le thé était tiède, mais eût-il été bouillant, qu'il n'aurait pu réduire Carrie au silence plus soudainement. Elle resta figée sur sa chaise, le liquide ambré coulant le long de ses joues et de son menton pour s'étaler sur sa blouse blanche. Il était poisseux de sucre et sentait la cannelle. Madame Wright, immobile, tremblait sur son siège, le visage pétrifié à l'exception des narines qui continuèrent à palpiter. Brusquement, elle rejeta la tête en arrière et hurla vers le plafond. « Seigneur, Seigneur, Seigneur !» Sa mâchoire claquait à chaque syllabe. Carrie n'avait toujours pas bougé. Madame White se leva et contourna la table, les mains tendues en avant, ses doigts frémissants recourbés comme des serres. Sur son visage se peignait une expression démente de compassion et de haine même. « Le placard !» dit-elle. « Va dans ton placard et prie !» « Non, maman, les garçons. Oui, les garçons viennent ensuite. Après le sang, viennent les garçons. Comme des chiens qui reniflent, qui halètent, qui bavent. Des chiens qui essaient de trouver d'où vient l'odeur. Cette odeur. » Elle lança le bras à toute volée et sa paume s'abattit contre le visage de Carrie. « Oh mon Dieu, j'ai si peur maintenant !» Avec le claquement mat d'une ceinture de cuir dont on fouette le vide. Elle vacilla sous l'impact, mais resta assise. L'empreinte sur sa joue, d'abord blanche, prit une couleur rouge vif. « La marque !» dit Madame Wright. Ses yeux dilatés étaient vides d'expression. Elle respirait à petits coups, précipités, tandis que la gifle de sa main descendait sur l'épaule de Carrie pour l'arracher à sa chaise. Elle semblait se parler à elle-même. « Je l'ai vu, oui ! Oh oui, je l'ai bien vu ! Mais je n'ai jamais, sauf pour lui, il m'a pris !» Elle s'interrompit et son regard se mit à errer vaguement autour du plafond. Carrie était terrorisée. Maman semblait dans les affres d'une révélation capitale qui risquait de la foudroyer. « Maman, mais les voitures, oh, je sais où ils vous emmènent dans leurs voitures. Les faubourgs, les routes écartées, le whisky, l'odeur, oh, ils la sentent sur vous. » Sa voix s'enfla en un hurlement. Les tendons saillant le long du cou, elle fit pivoter sa tête dressée dans une sorte d'interrogation éperdue. « Maman, tu devrais arrêter !» Cette interruption parut la replonger soudain dans une réalité sans contour. Ses lèvres eurent une série de tressaillements étonnés et elle s'arrêta, comme à la recherche de jalons familiers dans un monde inconnu. « Le placard » murmura-t-elle. « Va dans ton placard et prie. »« Non !» Maman leva la main pour frapper. « Non !» La main s'immobilisa en l'air. Maman leva les yeux pour la regarder, semblant s'assurer qu'elle était bien là, au bout de son bras et intacte. Le plat à tarte se souleva subitement du trépied sur la table et vola à travers la pièce pour s'écraser près de la porte du salon, dans un éclaboussement violet de myrtilles. « Je vais y aller, maman !» La tasse renversée de maman s'éleva et lui fila au ras du visage pour se fracasser au-dessus du fourneau. Maman poussa un cri aigu et se laissa tomber à genoux, les mains sur la tête. « Enfant du diable !» gémit-elle. « Fille du démon ! Suppôt de Satan ! Maman, relève-toi ! Le supre et la luxure, l'aiguillon de la chair, lève-toi !» Maman resta sans voix, mais se redressa. les mains toujours plaquées sur la tête, comme un prisonnier de guerre. Ses lèvres remuaient fébrilement. Il sembla à Carrie qu'elle récitait le Notre Père. « Je ne veux pas me disputer avec toi, maman, » dit Carrie. Et comme sa voix s'éteignit dans un murmure, elle s'efforça de l'affermir. « Je veux seulement pouvoir vivre ma vie à moi. Je n'aime pas la façon dont toi tu vis. » Elle s'interrompit, horrifiée malgré elle. L'ultime blasphème avait été prononcé, et il était mille fois pire que les mots les plus grossiers. « Sorcière !» chuchota maman. « Il est dit dans le livre du Seigneur, tu ne souffriras pas que vive une sorcière. Ton père a accompli la tâche du Seigneur. Je ne veux pas parler de ça, » dit Carrie. Elle était toujours très troublée d'entendre maman parler de son père. « Je voudrais seulement que tu comprennes que les choses vont changer ici, à la maison, maman. » Ses yeux brillaient d'un éclat particulier. « Il ferait mieux de le comprendre, eux aussi. » Mais maman s'était remise à marmonner pour elle-même. Très bien, donc petit correctif, c'est à la fin de la partie 1, on n'est pas encore dans la partie 2, mais c'est pas grand-chose, et nous allons maintenant voir la même scène dans le film. Tu es indécente. Je ne savais pas où tu étais, je ne savais pas. Maman, j'ai juste pris le bus pour aller acheter du tissu pour une robe, et... Je t'ai interdit d'aller où que ce soit, à part aller à l'école et rentrer, tu le sais. Maman, avant que tu continues, j'ai été invitée au bal. Maman, j'ai été invitée au bal. Seigneur, pourquoi ? C'est samedi soir et c'est un garçon très bien. Il viendra te voir avant et il a promis de me ramener pour 10h30. Non. J'ai déjà accepté. Écoute, je sais que ça te fait peur. Moi aussi, ça me fait peur. Pour les autres, je suis une fille bizarre. Mais je veux pas être une fille bizarre. Je dois trouver un moyen de m'épanouir. Avant qu'il soit trop tard. Il te fera souffrir. Non, maman, il y a des gens méchants, mais Tommy, non. Il est gentil, il te plaira, c'est un garçon bien. Bien sûr, les garçons, le sang coule et après. Immanquablement, les garçons suivent, flairant et bavant comme des chiens. Arrête, maman. Je te le dis, il te plottera avec ses sales pattes pour trouver d'où vient l'odeur du sang. Il t'emmènera à Carrie, loin, sur les routes désertes, dans le froid et les relais routiers au relent de whisky. Tu vas appeler ce garçon et annuler. Non. On va partir, on déménagera autant qu'il le faudra. Non, maman. Tu vas aller dans ton placard et prier. Tu vas y aller et implorer le pardon. Non, plus jamais ça, maman. Maman, relève-toi. Maman, relève-toi. Maman, j'irai à ce bal. Sorcière. Je suis pas une sorcière, maman. Les sorcières, ça existe pas. Le démon l'a dit, là, ça y est. C'est pas le démon, maman. Ce que je fais, y a plein de gens qui peuvent le faire. Je suis pas la seule. Malheureuse. Tu vois pas qu'il œuvre à travers toi. Maman, c'est héréditaire. Ça vient de grand-mère sans être passé par toi. Tu le sais. Ou c'est peut-être de papa que ça vient. Il m'a donné le cancer. J'ai cru que t'étais un cancer. Dis pas ça, c'est affreux. Dis pas d'être. Je l'ai damné à mes yeux. Prie autant que tu voudras, maman. De toute façon, j'irai. Par ton créateur, par le créateur du monde. Par celui qui a. Y'a rien qui m'en empêchera. D'ailleurs, je veux plus qu'on en parle. Très bien, donc, si on a choisi cette scène, c'est principalement parce que, comme on l'a dit, une des forces du film, c'est quand même la présence de Julianne Moore. La relation mère-fille. Et la relation mère-fille, parce que bah, Chloé Moretz joue bien aussi, oui. Quand même, ça, voilà, clairement. Dans la scène du coup du roman que je viens de lire, la mère est beaucoup plus violente, et beaucoup moins mère, finalement. Oui. Que la version de ce nouveau Carrie. Oui, effectivement, même s'il y a des scènes où elle s'énerve bien, oui. Quand même dans le nouveau, elle a toujours, à part la scène où elle l'emmène dans le placard, et encore, elle a quand même un aspect toujours plus timide, là, enfin, comme s'il y avait beaucoup de peur en fait chez elle, oui. Chez Margaret White, ce qui humanise clairement le personnage. Oui, clairement. Là où effectivement dans le roman, au final, au-delà du fait que c'est une menace, elle est moyennement caractérisée. Oui, clairement. Et dans le roman, elle a la main beaucoup plus légère, quoi. Oui, aussi, ouais, effectivement. Pas vraiment, les claques, ça y va, quoi. Mm. Dans la version de Palma aussi, cela dit, mais dans cette nouvelle version, elle est beaucoup plus douce, quoi. Oui. C'est aussi, du coup, c'est l'un des éléments qui nous a bien plu. Ce qui, paradoxalement, la rend particulièrement inquiétante, parce qu'on sait qu'elle peut quand même vriller, mais elle est beaucoup moins prévisible à cause de ça. Du coup, c'est limite plus inquiétant, parce que quand... Ouais. Quelqu'un qui passe de la douceur à la dureté comme ça, d'un claquement de doigts, c'est beaucoup plus effrayant que finalement quelqu'un qui est énervé tout le temps. Oui, c'est ça. Parce que là, on s'y attend pas. Malheureusement, il manque toujours ce petit grain d'ambiance au film pour réellement... Vraiment, il sait pas faire son choix. Il se pose entre deux, entre une approche, on va dire, naturaliste du film... qui aurait consisté à vraiment tout ancrer totalement dans le réel, et une approche plus ouvragée, plus à la De Palma, plus exubérante. Et il aurait fallu soit aller vraiment d'un côté, soit vraiment aller de l'autre, ou alors trouver un autre moyen de les mélanger, mais là, ça se place juste dans un entre-deux qui est pas passionnant. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, comme tu disais, un Carrie très terre-à-terre, qui aurait repris aussi l'idée Des coupures de presse et compagnie, ça aurait pu être quelque chose, quelque part un peu dans le fun footage, comme peut l'être un chronicle, tu vois. Exactement, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que une adaptation avec une approche fun footage pourrait être intéressante. C'est compliqué surtout parce que tu peux pas vraiment avoir les scènes entre Margaret et Carrie dans ce cas-là. Trouver une raison pour qu'elle soit filmée, ça devient compliqué. Parce que faire du Carrie en fun footage, ça sous-entendrait que ça soit quelqu'un d'autre en fait qui filme Carrie. Oui, voilà, c'est ça. Que ce soit un regard extérieur. Mais du coup, ça pourrait être intéressant parce que ça n'a pas encore été fait. Oui, c'est ça. En tout cas, je pense que si Carrie est réadaptée, ça ne m'étonnerait pas qu'il le soit un jour. Va falloir trouver autre chose que l'approche qui a été utilisée pour le moment. Et autre chose que ces approches un peu classiques. Ouais. Donc voilà, moi je pense que c'est tout ce que j'ai à dire dessus et qu'on va pouvoir le classer. Je pense qu'on a fait le tour pour cette nouvelle adaptation. Bon allez, c'est parti pour le classement alors. Très bien, donc nous n'avons pas à classer le livre, puisque c'est déjà fait depuis longtemps. Pour rappel, il est actuellement à la 17e place de notre classement des livres, entre Jessie et la nouvelle 1408. Les films, nous avons actuellement 57 œuvres, avec aux 5 premières places, justement Carrie au bal du diable, de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Misery de Rob Reiner, et aux 5 dernières, Jessie de Mike Flanagan, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. Oui, j'en ai dit 6. C'était ce que j'avais relevé. C'est ça. On s'est rendu compte encore de lecture. Et pour que vous situiez, Carrie 2, La Haine de Catchy est actuellement 22e de notre classement. Et Carrie, le téléfilm de 2000 ou 2001, je ne sais plus, est à la 36e place. C'est réalisé par David Carson. Et donc, ce Carrie-là... Carrie-là, à mon avis, ne va pas être très loin de Carrie 2, dans cette zone-là. En dessous quand même, je dirais. Moi, je dirais en dessous quand même. Je pense que je mettrais au-dessus de Cimetière, le remake. Ouais, et pour moi, les deux se valent un peu. Ouais. Pour moi, ça va être peut-être la performance du casting qui est au-dessus, oui, je trouve, qui dans est Carrie. Clairement supérieur au remake de Cimetière, on est d'accord. Mais sinon, ouais, pour moi, ça va être ça qui va faire la différence, parce que sur le reste, les deux se valent, et les deux ont... En plus, je crois qu'on avait déjà fait le défaut du fait que c'était beaucoup trop propre à propos de Cimetière. Ouais. Donc ouais, moi, je pense que au-dessus de Cimetière, en dessous de La Peau sur les os, ça me paraît une bonne place. Oui, pour moi aussi, ça me va. Ce qui lui donne donc la 24e place de notre classement. Il est grand temps de passer à la meilleure séquence de cette émission. Le tirage au sort. Voilà, c'est le moment du tirage au sort. Je crois que c'est moi qui avais commencé la dernière fois. Il me semble. Parce que c'est toi qui avais tiré Carrie. Non, mais j'avais tiré Creepshow. Ah ouais, t'avais pas fait une vanne nulle sur Carrie ? Ah, mais si ! J'avais dit qu'on retournait chez le dentiste. C'est pour ça. Une dernière fois. Ça m'avait marqué. Donc c'est à toi de commencer. Mais toutes mes blagues te marquent, arrête un peu. Comme un bon séjour chez le dentiste, justement. Ah là là. Ah, c'est le principe d'un traumatisme, hein, ça marque. Alors vous noterez d'ailleurs que ce que j'ai lu en extrait, c'était une tarte aux myrtilles et pas une tarte aux fraises. Hein. Mm. Parce que Carrie n'aime pas les tartes aux fraises. Parce que Carrie n'aime pas les fraises. Voilà. Comme toute bonne Carrie, elle n'aime pas les fraises. Je lui avais dit, il l'avait fait en off, je lui avais dit de la remettre parce que je trouvais que c'était dommage de la louper celle-là, tu vois. Oui. Voilà, j'ai tiré un petit papier, je tends le... ce qui nous sert de chapeau à Issam. Et j'ai tiré... Je n'arrive pas à lire le nom de la personne, mais c'est The Mist de Christian... je ne sais pas quoi. Ah, c'est la série, du coup. Du coup, c'est la série The télé... Mist, ouais, qui n'a eu qu'une saison. Qui a eu qu'une seule saison, qui est disponible... qui est encore disponible sur Netflix, il me semble. Ah, bon, ça sera l'occasion, on la verra comme ça. Voilà. Très bien, bon, bah... Je suis curieux de voir comment ils ont adapté, comment ils ont fait durer The Mist une saison, surtout. Ça me rend curieux. Parce que normalement, un petit roman. Et donc, j'ai un papier aussi. Mais d'autant plus que déjà, moi, je trouve que le film tarde un peu, tu vois. Donc, oui. Voilà. J'ai un papier. Et il s'agit de Running Man, de Paul Michael Glaser. Ah. Avec Schwarzy. Schwarzy. On va voir Schwarzy. Et surtout, on va pouvoir réaborder une œuvre écrite, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas lu. Effectivement, ça fait un moment qu'on faisait des réadaptations et tout et tout. Et une œuvre écrite un peu longue. Et on va revenir à Bachman. Oui, c'est la seule fois où on reviendra à Bachman, parce qu'on a déjà fait, la peau sur les os, et c'est les deux seuls qui ont été adaptés. Sauf si Chantier, finit par être adapté d'ici la fin de ce podcast. Ouais, sauf s'il y a Chantier, il y a Marche ou Crève aussi, qui est en projet. Qui est en des projet. Années, et je crois que Blaze, il y a des trucs aussi. En fait, bon. Les Bachman, il y en a plein qui sont en projet. Bah, il y a enfin les Régulateurs qui a été annoncé aussi. En fait, là, ils vont peut-être se lancer dans les Bachman, et je suis plutôt content parce que ça sera un vrai vent de fraîcheur. Bah, le seul qui sera jamais adapté, c'est Rage, et on comprend pourquoi. Oui. Parce que bon, c'est compliqué. Les histoires de lycéens qui se mettent à shooter dans leur lycée, bon. Aujourd'hui, bof, quoi. C'est trop chaud aux États-Unis. Voilà. Ouais. Des problèmes. Très bien, bah donc on se retrouve dans 2 semaines pour la série The Mist et dans 1 mois pour Running Man. Ça me fera plaisir de le revoir quand même, celui-là. Et de le revoir et de le relire aussi. Ouais. À lecture de Running Man, je devais être ado, donc... Ouais, ça remonte un peu aussi, moi, donc ça va faire plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, s'ils existent encore d'ici là. Oui, si Twitter est encore vivant d'ici là, n'hésitez pas à retrouver ça sur @cinémaarchiviste et moi sur @chrislostyles. Ouais, vous pouvez nous retrouver sur Discord. On a un autre podcast consacré à la BD dans son ensemble, le premier épisode parle de A Basket Full of Heads, voilà. Par le fils de Stephen King, puisque c'est scénarisé par Joe Hill, et le prochain épisode sortira incessamment sous peu au moment où vous écouterez ce podcast. C'est ça, ce sera sur Spiral de Junji Ito. Voilà. On a un troisième co-présentateur, on le garde pour le moment, mais on n'est pas sûr que ça dure. Hein. On en a discuté entre nous. Peut-être devoir l'enterrer dans le jardin si ouais, tient c'est pas ouf. Songe à le remplacer. Mais pour l'instant, il est là. Ah, il s'en va d'ailleurs. il s'en va à l'instant. Sur le registre derrière. Bon, très bien. Très bonne plaisanterie. En tout cas, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. A plus. Salut. les faubourgs, les routes écartées, le whisky, l'odeur, oh, ils la sentent sur vous. On dirait Jean-Marie, on dirait Marine Le Pen. Là. Dans nos villes, dans nos campagnes. On dirait ça.